Vacarme, avec votre magazine L'Illustré. Histoire vivante, c'est dès maintenant jusqu'à 14h. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On dit que le public ne vient plus dans les salles de cinéma, ne vient plus débattre. Ben dans ce cas-là, il faut aller vers eux. Cette semaine, un festival. On se veut un lieu qui propose son propre programme, mais aussi un lieu qui est en mesure d'accueillir d'autres événements sur le sujet des droits de l'homme, mais aussi de répercuter d'autres événements qui ont lieu ailleurs. Préparer, accueillir et faire connaître artisans et organisateurs. Souvent, ce qu'on recherche, ce qu'on défend, ce sont des films qui ne sont pas d'emblée les solutions faciles. L'enthousiasme, la rêverie, l'humour parfois aussi, et puis l'envie que le monde change. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faut faire les choses ensemble. Dimanche soir, rendez-vous avec le nouveau documentaire d'Histoire vivante, ainsi que sur le site des docs de la RTS, Viol de guerre, 70 ans d'une arme taboue. Armes de guerre collatérales, les viols massifs perpétrés en parallèle de chaque conflit ont anéanti des générations entières de femmes, d'hommes et d'enfants. De Berlin en 1945 à la Syrie en 2015, en passant par l'Italie, le Japon, le Rwanda, la Serbie, jusqu'à la République démocratique du Congo, la Syrie ou encore l'État islamique, un documentaire international révèle 70 années de viols de guerre, d'esclavagisme et de torture sexuelle, histoire taboue d'une arme masculine collective et perverse qui se propage plus que jamais sur tous les territoires en conflit. Un documentaire programmé en lien avec le FIFDH qui devait tenir sa nouvelle édition 2020 avant d'être annulé au vu de la crise posée par le Covid-19. Dimanche soir, vous découvrirez donc le nouveau documentaire d'Histoire vivante sur RTS2, Viol de guerre, 70 années d'une arme taboue, rencontre aujourd'hui avec sa réalisatrice. Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Danielle Allais, je suis auteure réalisatrice et j'essaie de... raconter des histoires qui m'interrogent. J'essaie d'explorer ce monde où il y a tellement de souffrances. J'essaie de ne pas me laisser faire par les histoires officielles. Alors, d'où vient ce réflexe-là? Est-ce l'occasion pour vous de rencontrer un jour... une histoire telle qu'on vous la raconte et vous vous dites en vous-même « Non, je n'adhère pas du tout à cette version. » Ou bien est-ce, et dans ces cas-là, il ne s'agirait pas d'être trop indiscret des éléments strictement biographiques, puisqu'on sent que, en tout cas au travers du film dont on va parler aujourd'hui, vous allez chercher l'être humain dans l'endroit le plus abyssal dans lequel certains peuvent se trouver... contre leur gré, puisque le thème de votre documentaire est le viol, mais plus précisément d'ailleurs, un viol en situation de guerre. Est-ce que ce thème-là, avant qu'on y vienne plus précisément, il s'inscrit dans votre filmographie comme la suite d'autres thèmes, je dirais, approchants, où la violence et le tragique seraient les points forts de votre angle ou de vos approches? Je crois que j'ai eu de la chance de faire un métier où on m'a fait confiance et où on m'a demandé d'aller là où je pouvais m'interroger, où j'avais la chance de pouvoir explorer, poser des questions, ne pas être sûre de tout ce qu'on me disait, pouvoir vérifier, pouvoir fouiller. J'ai toujours eu cette chance-là de faire ce qu'on appelle de l'investigation. C'est un grand mot, mais là, qu'est-ce que c'est de l'investigation? C'est se poser des questions. Mais vous me disiez, avant qu'on ouvre ce micro, vous n'imaginez pas la difficulté à réaliser ce genre de choses. Donc la chance, on veut bien l'entendre, mais par ailleurs, ça suppose un certain caractère d'obstination et d'acharnement pour arriver à convaincre celles et ceux qui doivent être convaincus. Oui, C'est vrai, je pense que c'est pas facile. C'est évident. Investiguer, aller chercher des réponses qui sont généralement masquées, modifiées, tabous. Aller chercher finalement ce qui ne se voit pas, c'est un petit peu comme déraciner. Déraciner, c'est une belle image parce que il faut avoir envie de gratter, d'aller dans le fond des choses. Il faut pouvoir avoir la motivation. Et peut-être que je suis tombée aussi dans une époque où l'investigation avait un sens. J'ai eu cette chance dans ce métier d'avoir des chefs qui me faisaient confiance et qui me disaient « vas-y ». Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. C'est vrai que ce film, il a été d'abord refusé. Donnez-en le titre. Alors, c'est un film qui s'appelle « Viol de guerre, 70 ans d'histoire d'une arme taboue ». Alors, c'est un film qui est vraiment très particulier. C'est un film d'histoire, mais pas que. C'est un film d'investigation. C'est un film de témoignage. C'est un film de justice. C'est un film de recherche. C'est un film il est assez unique en son genre. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on me disait non. Alors, c'est un catalogue ou c'est un. j'ai eu de nombreux refus avant qu'il ne puisse voir le jour. Si on devait, Daniel Allais, moi, je m'étais mis un petit résumé. Oui, catalogue, le mot est un peu déplacé, mais tout de même, il y a quelque chose qui relève d'un. J'avais entendu parler du dark tourisme lors d'une émission. On peut dire que là, il y a un tour du monde du viol de guerre. Peut-être pas intégralement tour du monde, mais tout de même, on fait quelques continents et quelques pans historiques. C'est comme ça que vous l'avez bâti dès le départ, ce documentaire que l'on pourra découvrir dimanche soir sur RTS2 ? Absolument. Ce que je me suis dit, c'est j'avais lu « Une femme à Berlin ». Lorsqu'il est sorti, il est sorti tardivement en France, je crois que c'était 2006. On en avait fait une semaine sur Histoire Vivante, sur cet ouvrage. Oui. J'ai évidemment entendu parler des viols en Bosnie, des viols dans les Balkans. C'est proche, les Balkans, c'est très proche de nous. C'était à la fin du siècle dernier. J'ai entendu Boko Haram en 2014. J'ai entendu l'EL, les viols, j'ai entendu les Yézidis. J'ai entendu et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais j'ai cherché. Je me suis dit, comment aborder cette thématique en essayant d'apporter quelque chose qui puisse donner des réponses. Les viols de guerre, dont on dit qu'il s'agit d'une arme aujourd'hui, qu'en était-il au moment de la Seconde Guerre mondiale ? Et donc j'ai commencé à explorer. J'ai commencé à faire des recherches, d'abord iconographiques. J'ai vu le nombre de photos, d'images que les médias, que les historiens ont mis de côté. Parce que le viol de guerre, le viol, c'est impudique. J'ai fait un film impudique. Est-ce qu'on peut faire un film impudique ? Est-ce qu'on peut parler du viol en montrant des images ? Alors je me suis posé, bien sûr, toutes ces questions. Comment aborder tout ce qui ne se dit pas et dire juste c'est un viol ? Voilà, je me suis posé ces questions parce que, quelque part, ça me dérangeait que l'on parle juste de viol et que l'on ne parle pas de torture, que l'on ne décrive pas les tortures. Parce que ce film, c'est un film d'horreur. J'ai fait un film d'horreur. J'ai fait un film où je montre que le viol de guerre, c'est une torture. Le mot viol est quelque part léger. Le mot viol ne suffit pas en lui-même à se rendre compte de ce que ça représente en termes de torture. Un seul, s'il vous plaît, rien qu'un seul. Vous, si vous voulez aimer, chassez les autres. Un cri, plus qu'un écrit. Extrait du journal Une femme à Berlin. L'auteur a été violée de façon collective et répétée durant tout le printemps 1945 par des soldats soviétiques. Des Berlinoises, également massivement violées à la libération par les soldats alliés occidentaux. Les femmes butins de guerre. Récompense de la hiérarchie pour ces soldats conquérants. Ou encore, dégâts collatéraux en terre de conflit, assurent les plus hypocrites. De sales histoires, en somme, occultée depuis plus de 70 ans de la grande histoire, comme ces viols et massacres sauvages perpétrés en 1944 durant la campagne d'Italie par des soldats du corps expéditionnaire français dont l'histoire officielle effacera les horreurs pour ne retenir que les honneurs. Et que dire de ces milliers de jeunes femmes asiatiques sournoisement nommées femmes de réconfort par l'armée impériale du Japon, finalement révélées esclaves sexuelles en 1992. Les années 90, années terribles, où les viols massifs se transforment en armes d'épuration et d'extermination. Le corps des femmes est devenu un véritable champ de bataille et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Mutilations sexuelles en République démocratique du Congo, camps de viol en Bosnie et transmission volontaire du sida au Rwanda, où pour la première fois de l'histoire, le tribunal pénal international considère ces tortures sexuelles comme élément constitutif de génocide. Daniel Alès, qui est particulièrement intéressant, stupéfiant à découvrir dans votre documentaire, et votre documentaire nous y aide, c'est de découvrir le nombre d'historiens, parfois des historiens, j'allais dire officiels, d'autres fois des historiens strictement locaux, ou des gens qui ont fait un travail d'histoire en étant autochtones, et qui ont travaillé sur ce thème central, et que vous êtes allé rencontrer, que vous avez découvert, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Afrique, enfin vraiment une sorte de râteau extrêmement large. J'imagine, malheureusement, tristement, que si vous aviez eu encore plus de temps pour votre documentaire, j'entends en durée, il est très probable que l'ensemble, ou le quasi-ensemble des continents et des pays auraient été présents dans votre documentaire. J'avais une première interrogation au début de votre film. Je me disais, mais sachant que c'est une histoire véritablement méconnue, méprisée ou oubliée, je ne sais pas quel adjectif vous paraîtra le plus adapté, c'était de la difficulté de placer des archives, sachant que si c'était pas une histoire extrêmement à jour, bah les archives, elles non plus, elles n'étaient pas forcément faciles à trouver. Alors, il y en avait certaines, il y en a une notamment dans ce documentaire qu'on découvrira une fois de plus dimanche soir sur RTS2, c'est cette femme allemande qu'on devine magnifique, mais dont le visage est tuméfié au bord d'une route de campagne. C'est une image qu'on a déjà vue. Celle-ci, bon, mais c'est un peu celle-ci dans le désert pour moi. C'est-à-dire que je ne connaissais pas les autres archives. Ça a été compliqué pour vous d'aller chercher les archives? Ça a été difficile à trouver? Alors, évidemment, oui, le travail préalable à l'existence d'un documentaire comme celui-là, c'est d'avoir les éléments visuels. Cette image dont vous parlez, c'est une image qui est très particulière. Elle fait partie de... Vous parliez de mon système tout à l'heure. Comment vous avez idée de faire un film comme ça? Par exemple, cette image, je l'ai vue à plusieurs reprises dans des films liés, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale. Cette image passait. Elle passait en illustration. J'étais à chaque fois choquée. Chaque fois que je l'ai vue dans un film, dans un documentaire... Je voulais savoir ce que représentait une femme ainsi tuméfiée, ainsi abîmée. Comment on pouvait mettre une image comme ça, sans parler du sort des femmes. Et pour moi, elle a été mon phare, cette image. Surtout qu'elle regarde l'objectif. Elle ne s'en détourne pas. Hein. Elle regarde l'objectif, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est filmée de la tête aux pieds pratiquement par ce témoin, ce caméraman qui est là, et on la sent... Je ne suis pas sûre qu'elle apprécie d'être filmée. Je ne suis pas sûre qu'elle se rende compte de ce qui se passe à ce moment-là. Mais nous, quand on voit cette image et qu'on s'interroge, parce que le film en fait interroge cette image en montrant la violence, en montrant l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit. Parce que dans cette image, si vous ne ciblez pas la question du viol, l'image passe sans que la question soit posée. Et donc l'image est inconsciente de ce questionnement-là. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ciblez cette question du viol, où vous vous arrêtez sur cette question du viol, la question du viol devient une notion de torture. Et j'ai voulu que ce film impudique puisse montrer la notion de violence grave, sexuelle, et de l'utilisation de cette violence. Concernant les historiens, Daniel Allais, vous avez été, au moment de la préparation de votre travail, surpris du nombre d'historiens qui ont pu travailler sur le sujet. Ce sont des gens, en plus de ça, alors peut-être en mettant de côté Myriam Gebhardt, qui semble être l'historienne relativement officielle, tout au moins qu'on découvre dans un bâtiment officiel, donc je lui ai attribué peut-être un peu trop rapidement le terme d'officialité, mais d'autres, comme Gabriella Gribaudi, qui, on le sent, est beaucoup plus une historienne, sur la route, en chemin, et qui va croiser justement d'autres personnes devant votre caméra qui ont fait un travail, comme je le disais tout à l'heure, très, très local, très autochtone. Mais sur la quantité d'historiens, vous avez été surprise de savoir que autant de personnes, et souvent dans un relatif anonymat, avaient fait ce travail. Surprise, c'est pas le mot. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, j'ai eu une chance encore. Vous allez dire, ça fait beaucoup de chance, mais c'est vrai. J'ai été extrêmement bien accueillie et encouragée par ces personnes. C'est-à-dire que la plupart de ces historiens travaillent, comme vous l'avez dit, la plupart de ces historiens travaillent de façon quasiment isolée. Le travail de Gabriella Gribaudi est un travail qui date de 2000-2002. On n'en a jamais entendu parler en France. Le travail de... Son travail, il faut juste préciser, concerne l'Italie, le moment où des villages entiers connaissent, en tout cas pour les populations non seulement féminines, mais également masculines, des viols exécutés principalement par les soldats américains, enfin en tout cas les libérateurs. Soldats français. Le corps expéditionnaire français. Alors, je termine sur la question des historiens. L'histoire, par exemple, concernant Myriam Gebhardt. L'historienne allemande. L'historienne allemande, son livre a été traduit en cette langue, elle n'a pas été traduite en France. Concernant le travail de Gabriella Gribaudi, c'est quasiment un des seuls livre, s'appelle Guerra Totale, je ne sais pas si je le dis bien, La Guerre Totale, et c'est un des seuls livres qui consacre un chapitre au viol commis par le corps expéditionnaire français, en fait des éléments du corps expéditionnaire français. C'est une histoire qui n'est absolument pas racontée. Alors, pour le coup, c'est pour ça que je l'ai ciblée, j'aurais pu raconter encore, comme vous l'avez dit, des tas d'autres histoires de viols de guerre. Et je me suis dit que l'Italie, je l'ai découverte, l'histoire de l'Enola, c'est encore très très présent, mais qui en a entendu parler aujourd'hui de cette histoire, à part là-bas dans le Latium, où c'est encore très présent dans les mémoires, comme vous pouvez le voir, le constater dans le film. Mais aujourd'hui, on me dit, mais moi, l'Italie, j'en ai jamais entendu parler. Ces viols, je n'en ai jamais entendu parler. Et ce film, il a cette vertu-là. C'est-à-dire qu'on se... Les questions que je me posais au départ en me disant, ben voilà, on nous parle des viols de l'EL, on nous parle des viols en Syrie, on nous parle des viols en Libye. Comment c'était avant? On nous a parlé effectivement des viols des soviétiques à Berlin. Mais alors comment c'était? Comment ça se passait? Je me suis posé des questions et j'espère que ce film a deux vertus, qu'il exhume des histoires qui sont des histoires réelles, même si la réalité là dépasse la fiction, et qu'il explique que ça concerne tout le monde. Les viols de guerre, ça concerne tous les pays, toutes les cultures, toutes les couleurs. Et je crois que ça en dit long aussi sur la notion de la responsabilité de la hiérarchie. Dans un témoignage recueilli il y a des années, une de ces femmes, qui était alors une enfant de 11 ans, raconte avoir été violée par de nombreux soldats. Et puis, elle est arrivée ici pour être examinée Et les médecins lui ont dit, tu es dévastée. Je ne sais pas comment tu es encore vivante. Dans le chapitre qu'elle consacre au viol de masse de l'époque, l'historienne détaille la violence extrême subie par cette gamine, sauvée suite à de multiples opérations chirurgicales. Ils ont pointé le fusil vers moi. Coup de pied, de poing, ils me frappent. Ils m'ont tout fait. Je ne pouvais même plus marcher. Et voilà que d'autres arrivent. Il faisait nuit. Ils m'ont emmené dans les blés. Ils étaient 5, 6. Ils m'ont fait les mêmes choses. Et ils m'ont laissé là, au milieu des blés. Et dans ta famille, on parlait de ce qui s'était passé ? Absolument pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Ni dans celle de ma mère, ni dans celle de mon père. En fait, on en parlait comme si c'était arrivé aux autres, mais pas de ce qui leur était arrivé à elles. C'est seulement plus tard, adulte, en feuilletant l'historique de l'Enola, que je suis tombé sur cette documentation. Et surtout, en lisant ces documents, je suis tombé sur des noms très familiers. Mes proches, mes grands-mères, mais aussi des femmes enceintes à des stades avancés qui ont subi des violences jusqu'à la mort. Mes grands-mères, comme toutes les femmes de l'Enola ou d'autres villes, vivaient ça comme une grande honte. Il y a le constat, Daniel Allais, du silence et d'une histoire qui était véritablement dans l'ombre. Maintenant, vous qui avez travaillé sur le sujet, comment analysez-vous, comment décortiquez-vous cette question du silence ? Qu'est-ce qui fait que ce sujet-là ait été aussi longtemps méconnu de tous et qu'il ne vienne maintenant qu'à émerger ? Et encore, vous nous témoignez que tenter de faire un film comme celui-là, ça n'a pas été une partie de plaisir et que vous avez essuyé grand nombre de refus. Qu'est-ce que c'est ça ? Je me dis que 70 ans, 75 ans après ces faits, lorsque l'on a été libérateur, en tout cas lorsqu'on a une image de libérateur, on ne veut pas, on refuse l'idée d'avoir été des libérateurs violeurs. Va pour la France, va pour les armées américaines, mais, et votre film le précise aussi, concernant par exemple le Japon, le courage et les déclarations tardives des victimes coréennes, celui-ci y relève d'un tout autre ordre. Mais le silence était là, puisque ces déclarations semblent se passer, si ma mémoire est bonne, dans les années 90. Donc il y a eu aussi des décennies de silence avant qu'on prenne la parole, que le sujet émerge. Donc y aurait-il une constante sur ce silence-là qui sépare les victimes de leurs bourreaux et qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste. Ce que je peux dire, ce que je peux ressentir, c'est que ces histoires de viol, de torture, d'abord, il faut pouvoir en survivre. Ensuite, il faut pouvoir vivre avec. Ensuite, il faut pouvoir en parler. Ensuite, il faut pouvoir tenter de trouver justice. Donc, tout ce chemin est extrêmement long. Ça, c'est la force de tous ceux qui commettent ces crimes. C'est que les victimes ne parlent pas très facilement de toutes ces questions-là. Et votre film le dit, et quand elles viennent en parler, notamment par exemple pour le Rwanda, on les traite en témoins sans jamais les considérer en victimes. Alors ça, c'était la question du Rwanda. Effectivement, Rwanda, terrible histoire. Hélène Dumas, qui est donc historienne extraordinaire qui a expérimenté le terrain. Grâce à elle, on comprend le rôle du viol et de la torture. La fonction, oui. Exactement. Grâce à elle, on comprend la fonction. Elle arrive à décortiquer exactement avec précision. C'est scientifique ce qu'elle raconte. À travers le corps des femmes, c'est la communauté Tutsi que l'on met à mort. On ne saura probablement jamais le nombre de viols qui ont été commis. Beaucoup de femmes sont soit mortes de ces viols, soit ont été exécutées après avoir été violées. Il y a un chiffre qui a été avancé par l'ONG Human Rights Watch. Ils ont estimé entre 250 à 500 000 femmes qui auraient été violées. C'était une pratique systématique. Tous ces éléments-là existent. Qui a eu envie de les exprimer dans les médias? Alors, vous parliez de ces femmes victimes qui ne sont que témoins. Dans certains cas, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des femmes victimes qui ne sont rien. Et celles-là, il y en a encore de très nombreuses. Par exemple, je me suis interrogée sur cette image d'Anthony Lloyd. Anthony Lloyd, c'est un reporter, un grand reporter, photographe, qui a couvert la guerre des Balkans et qui a fait une série de photos sur une femme qui sortait d'un camion en territoire bosniaque et qui manifestement avait été violée. Et je suis tombée sur cette image, je me suis encore une fois interrogée. Qui est cette femme? Comment peut-on montrer cette image sans se poser de questions? Donc j'ai souhaité retrouver Anthony Lloyd. Je lui ai demandé l'autorisation de diffuser cette image. Et je lui ai demandé de m'expliquer ce qui se passait. Comment il a fait cette image? Comment ça s'est passé? Et ça a été extraordinaire parce qu'il avait une mémoire de cette image qui était encore très présente. Depuis la Syrie, il m'a raconté. Et finalement, mon exploration dont on parlait tout à l'heure, mon interrogation, c'est ça, c'est la curiosité de savoir ce que représente un moment dans la vie de cette femme qui est sur ce cliché, cette femme dont on ne connaît ni le nom, dont vous ne verrez pas le visage parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette femme. Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle est décédée? Comment est-ce qu'elle a pu raconter son histoire? Personne ne sait. Et vous voyez, elle est emblématique de ce film, autant que l'image de cette femme qui est tuméfiée, que l'on voit au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui est filmée par ce caméraman qui la filme de la tête aux pieds, parce que il sait bien, ce caméraman, qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Mais il n'y aura pas de mots, parce que à l'époque, encore pire, les mots-là ne se mettaient pas du tout sur ces questions de viol. Voulez-vous bien rappeler le titre de votre documentaire, s'il vous plaît ? Viol de guerre, au pluriel. 70 ans d'histoire d'une arme taboue. C'est à voir dimanche soir sur RTS2. Merci Daniel Allais d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Ah, je sens que vous aviez un petit post-scriptum à ajouter, alors je m'en voudrais de vous en priver. Je vous remercie de rendre ce film visible. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé à le faire, parce qu'il y en avait. Je remercie tous ces participants, les historiens, l'anthropologue Véronique Naoum-Grapp, la juriste internationale qui est Céline Bardet. Ce sont des gens comme ça. Moi, je n'ai été qu'un maçon dans ce travail d'exploration. J'ai construit un édifice et j'espère que de plus en plus cet édifice va être visité. J'espère que cette maison des horreurs va quand même servir à prendre conscience de ce que c'est que le viol en temps de guerre. Et je crois qu'on est dans un moment de société où il faut sérieusement se poser cette question. Toutes ces générations qui arrivent, je crois que c'est aussi un film pour toutes les nouvelles générations. Rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour découvrir le nouveau documentaire d'Histoire Vivante, Viol de guerre, 70 années d'une arme taboue. La semaine prochaine, retour dans la Russie profonde. We'll be right back.